Une nouvelle entrée de Machine Géante. C'est l'effet Veuve Noire, assemblage requis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On commence avec quelque chose d'assez bing, bing, bing. Eh bien oui, vous irez voir la vidéo et sur la page Facebook du Dîner de con ou sur mon Google+, hein, ben oui. Sinon, vous allez voir sur le net, c'est assez hallucinant. Je vous explique, en Chine, un hôpital a installé une machine à extraction pour les dons de semences masculines. C'est les hôpitaux en question se retrouvent à Nanjing, dans le Zhengzhou, OK, et Zhengzhou, pardon, excusez, mais je connais pas beaucoup la Chine géographiquement, là, je suis pas tellement hot. Donc, au cas où vous auriez envie d'aller essayer cette avancée technologique révolutionnaire, à quoi elle sert? Eh bien, c'est le kit main libre de la satisfaction personnelle masculine. Il s'agit plus précisément d'une machine pour automatiquement extraire et récolter la semence des messieurs lorsque ces messieurs viennent en faire des dons. Donc, c'est une fellationneuse électronique, je pourrais vous dire ça. C'est hallucinant. Vraiment très, très hallucinant. Vous irez voir la machine, c'est vraiment particulier. Ça ressemble un peu à, tu sais, quand on va à la SAAC, là, il y a des petites machines où on met notre code, tu sais, on rentre. Bon, je m'en viens pour renouveler mon permis de conduire. Sauf que à la hauteur du zoui-zoui, eh bien, il y a une genre de bouche artificielle. Ben, c'est un genre de tube. Ça ressemble à dans les sex shops, là, on a ça, des genres de crossettes, là, pour les messieurs. Eh ben, ça ressemble à ça. Et puis, donc, on introduit notre zoui-zoui dedans. Et puis, la machine vous offre une de ses plus belles fellations. Elle se donne comme une vraie professionnelle. Vous irez voir, vraiment assez particulier. Totalement même particulier, quand même. Attends un petit peu, je veux juste voir de quoi... Ah oui, ça c'est un autre truc assez bizarre. Une jeune fille a envoyé un sexto assez osé par erreur à son papa. Donc avec la technologie, il est possible maintenant d'envoyer des messages instantanément et rapidement partout dans le monde à n'importe qui. Mais il faut toujours bien s'assurer que ce soit au bon destinataire, surtout si vous écrivez des choses un peu coquines et personnelles. Hein, demandez donc à cette jeune fille qui a envoyé un sexto à son père par erreur. J'imagine la discussion avec son père par la suite. Donc, bonne lecture, je vous envoie quelques petits trucs. Donc, la jeune fille écrit « C'était tellement bon tout à l'heure avec toi, j'ai trop aimé, tu sais, je t'aime tellement. Papa, supprime le dernier message que je t'ai envoyé, je me suis trompé de numéro, ne le lis pas, s'il te plaît, supprime-le en direct. » Là, le papa, il répond « D'accord, on le lira ce soir ensemble quand on sera tous les deux à la maison. Bonne journée, profite bien. » Donc, c'est ça. Hein? Et ça ne doit pas être les seuls. Il y a tellement de gens qui s'écrivent des sextos qui doivent avoir arrivé des erreurs comme ça à tous les jours, même à toutes les minutes sur la planète. Je vous parle d'un record du monde de vitesse à vélo. C'est François Gizzi qui dépasse les 330 km. OK, on va aller voir. Attends un petit peu. Hey, c'est ça, ça part en peur, tout ça. Donc, un nouveau record du monde, c'est tout simplement ce qu'a réalisé François Gizzi en atteignant dimanche dernier, le 9 novembre, la vitesse stratosphérique de 333 km/h. Et surtout, c'est à vélo. Comme le rapporte le quotidien Le Corse Matin, ce Français de 32 ans ne roulait évidemment pas avec un vélo classique sur le circuit Paul Ricard du Castellet. François Gizzi, qui a d'ailleurs à cette occasion battu son propre record du monde, qui était de 263 km en 263 km/h, bien sûr, en 2013, avait réalisé... qu'il avait en réalité pris place sur un vélo fusée. Vous pouvez aller voir les images ou la vidéo sur la page Facebook du Dîner de con. Celui-là, il est encore là. Oui. Conçu par un ingénieur du nom de Arnold Neretscher. Le moteur est un propulseur de fusée. C'est ce qu'il explique à Corse Matin. Il fonctionne avec du peroxyde d'hydrogène très concentré à 90%. Et le reste du vélo, lui, est en revanche fait maison. Et il est tellement léger que le risque de s'envoler est réel. C'est hallucinant, surtout à cette vitesse-là. Grâce à ses deux roues, le Français a mis moins de 5 secondes pour avaler 1800 mètres de ligne droite, devançant très largement une Ferrari lancée à sa poursuite. Il voit désormais encore plus loin. Comme il l'a expliqué au quotidien Corse, nous pouvons passer de 0 à 400 km/h en moins de 2 secondes. Et pour concevoir un vélo encore plus puissant, il nous faudra des sponsors. Ben, vas-y, mon chum, François Jeezy, en vélo en vélo fusée, moi, je dirais. On pourrait appeler ça comme ça. Ici, on nous donne une technique pour ouvrir une banane. OK. Ben, il me semble que c'est pas compliqué, ouvrir une banane. Y a-tu de quoi de plus niaiseux? Je comprends pas qu'on ait besoin de trucs pour ouvrir une banane. Mais, gars, on va aller voir une astuce pas vraiment indispensable qui nous fera sans doute, son petit effet. C'est une vidéo qui a été publiée le 7 novembre dernier. Dave Hacks livre une méthode simple, mais très efficace pour découper une banane en rondelles sans même enlever la peau. Un tour de magie, non simplement un tour de passe-passe, comme on peut le voir dans la vidéo. Eh bien, il vous suffit ainsi de piquer la banane avec sa peau sur la longueur avec une aiguille que vous allez ensuite utiliser pour découper le fruit à l'intérieur, le tout sans toucher la peau. OK. Résultat, la banane sera bien coupée en tranches quand vous l'éplucherez. Si vous avez besoin d'une technique pour éplucher correctement votre banane, on vous conseille par ailleurs celle du chimpanzé qui savent y faire en la matière. Alors, OK. Mais ça, c'est un peu niaiseux, un peu simple, si je vous disais. Tu piques une... Dans le fond, tu coupes ta banane avec une aiguille, avec un petit trou. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est de l'insolite inutile. Là, on va regarder... je regarde la vidéo... La méthode du chimpanzé, c'est quoi? Ben, tu fais juste l'ouvrir ta manche, non? OK. OK. Il la prend, il la tourne, il fait toutes les temps. OK. Il pince, puis après... Ah, lui, il l'ouvre par l'autre côté, le petit cap. Au lieu de la prendre par la tige, eh bien, il l'ouvre par le bout. Il écrase le bout, tout simplement, et puis il l'ouvre. Mais sérieux, y a-tu de quoi de plus facile puis niaiseux qu'ouvrir une banane? Je comprends pas qu'on ait besoin d'en faire des vidéos. Mais bon, c'est la vie d'aujourd'hui. On va aller vers quelque chose d'un peu plus important. Ben oui, parce que ça peut peut-être révolutionner la médecine. On parle d'antibiotiques. On parle aussi de crottin de cheval. C'est des chercheurs qui ont découvert une nouvelle substance dans le crottin de cheval. Le copsine, c'est le nom donné à une substance capable de tuer des bactéries ou plus simplement, c'est un antibiotique. Hein, quelque chose qui peut tuer les bactéries, c'est un antibiotique. Donc, c'est ce que viennent de découvrir des chercheurs à l'École de Polytechnique fédérale de Zurich. Comme le rapporte l'agence de presse suisse, l'ATS, cette substance, encore inconnue, a une particularité. Ben oui, elle provient du coprin cendré, un champignon qui prolifère sur le crottin de cheval. Comme l'explique le EPFZ dans un communiqué publié sur son site, le copsin appartient à la classe des défensines de petites protéines que de nombreux organismes vivants produisent comme défense contre les microbes. Si son utilité est encore à préciser, le copsin pourrait notamment servir dans l'industrie agroalimentaire puisque cette substance a la capacité d'éliminer les listeria, ces bactéries que l'on retrouve dans les aliments d'origine animale et qui peuvent provoquer des complications graves, notamment chez les femelles enceintes. Ben oui, mais bon, on est mieux de dire femme. Hein. Chez la femme enceinte, une demande de brevet en tout cas a été déjà déposée. Bonne nouvelle! Ici, un milliardaire qui se lève tous les jours à 5 heures du matin pour ramasser des déchets dans la rue. OK, mais tu sais, c'est bon, c'est tout à son honneur. Hein? La richesse et l'altruisme peuvent faire qu'un. Demandez à Yo. Il en est la preuve vivante. Dans une vidéo réalisée et publiée sur YouTube par Omar Varov, on aperçoit cet homme se promener dans les ruelles d'une ville de Barème, l'air presque hagard, avec des sacs de plastique rembourrés de déchets. Et pourtant, cet homme ne manque pas de sous pour se nourrir, bien au contraire. C'est un investisseur millionnaire de la Corée du Sud qui vit à Barème. Chaque matin, vers 5 heures, eh bien, il se réveille pour aller ramasser les ordures abandonnées dans la rue et faire le tri des matières recyclables de sa ville. Celui-ci explique faire ce geste pour la santé de la population. Il y a beaucoup de déchets et cela rend les gens malades. C'est comme ça que se justifie Yo, dont le geste captive la curiosité de plusieurs habitants de cette même ville. Il est un exemple de simplicité, de modestie, le louange Younis, un passant qui a rejoint Varov pendant le tournage et qui semble être en admiration complète devant Yo. Vous êtes vraiment un modèle pour les jeunes, lui dira visiblement ému. Hein? C'est merveilleux, c'est génial. Et puis tiens, on l'a fait tout seul là, elle, la veux-tu? Ouais, ça vaut la peine, là. C'était tellement niaiseux. C'est la fameuse théorie satanique de la Monster Energy. Hein? Vous connaissez cette boisson énergisante qui est vraiment ridiculement trop grosse, qu'on pourrait bannir demain, si je trouve que ce serait une très, très bonne idée. Mais quand même, de là à dire que c'est Satan. Hein? Je vous en parle ici. La boisson énergisante Monster Energy serait peut-être en réalité l'œuvre du diable. C'est ce qu'affirme une Américaine. Oh, qu'on est surpris qu'elle soit Américaine au reste du monde. Selon elle, un complot satanique plane autour de cette compagnie américaine qui commercialise la boisson de Satan. La vidéo, donc, qui a été visionnée plus de 2,8 millions de fois, donc on doit être rendu à 3 aujourd'hui, là, depuis sa publication le 9 novembre. Imaginez, ça va vite. On y découvre une quadragénaire complètement folle qui présente la boisson énergisante comme étant l'œuvre de Satan. Sa démonstration en plusieurs points est plutôt intrigante. Son analyse prend comme point de départ la forme du logo M qui figure sur le devant de chacune des canettes et qui serait en réalité la répétition du chiffre 6. En hébreu, eh bien oui, inscrit 3 fois côte à côte, cela donne ainsi le nombre 666, le nombre de la bête, hein, le nombre du diable. Elle poursuit et affirme que la barre qui traverse le haut de Monster est la représentation de l'Antéchrist, car tenue à l'envers, tu sais, quand on la boit, la canette, eh bien, cette croix dans le haut forme une croix inversée. Symbole souvent utilisé pour représenter Satan, mais qui peut aussi représenter le supplice de Saint-Pierre. Cul sec et le diable s'en moque, dit-elle. Hein? C'est hallucinant. Les convictions sataniques de cette femme ne sont pas un cas isolé. C'est ce que rappelle le Daily Dot. En 2009, plusieurs internautes du site Snoop avaient déjà soulevé la question. Toutefois, c'est la première fois que le message se diffuse aussi rapidement et trouve un tel écho. En tellement peu de jours. Monster Energy n'a pas encore répondu aux accusations diaboliques, mais définit elle-même sa boisson comme la plus diabolique de la planète. Les théories sataniques à son sujet semblent alors s'inscrire dans la stratégie marketing du produit. Heureusement, Monster Beverage Corp est également propriétaire de Peace Iced Tea, une boisson, elle, qui prône la paix et l'amour. Oui, c'est ça, ça se peut que ces symboles-là soient là, mais le complot diabolique en arrière est l'œuvre de Satan. Tu sais, peut-être qu'on s'en sert comme justement comme marketing. Et de toute façon, quand on s'appelle Monster, puis qu'il y a un coup de griffe qui forme le logo de la canette, on a-tu besoin de mettre un 666 là-dedans, puis de mettre des choses antéchristes? Ça le dit déjà, c'est un monstre, et puis il va te griffer. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Maintenant, Sébastien Evgartin, tu restes encore un petit peu avec nous parce que, Caroline, je pense que depuis que je t'ai parlé qu'on allait manger quelque chose, hein? Ouais. Ça t'a donné envie ça de rester? Ça m'a vendu le... Donc, voici une grosse pointe en dresse. Hein? Est-ce que c'est clair? C'est quoi le nom de la chronique? Oui. C'est une grosse pointe en dresse. Je suis juste curieux, étant un peu quand même un néophyte à ton émission, la toune, là, ouais. C'est-tu une toune que t'as pris ou c'est carrément un montage fait par... En fait, c'est un extrait coupé et monté d'une chanson de Gatineau. Il y a plusieurs autres collègues d'Assemblage Riquet qui ont des tounes de Gatineau. C'est un groupe de rap québécois vraiment cool. Je trouvais que ça sonnait limite comme... je leur annonce le bout de la langue, tu sais, hawaïenne, là. Les trois accords? Les trois accords, ouais. Ça peut sonner comme ça. Ça ressemblait à la limite comme une de leurs niaiseries. Mais un jour, je l'ai déjà dit une fois, à un moment donné, qu'il faudrait que je le fasse, je vais continuer de le dire, mais il faudrait que je fasse jouer la chanson au complet parce qu'elle est tellement outrageusement vulgaire, mais outrageusement vulgaire, que ça pourrait vraiment titiller les oreilles de tous et chacun. Donc un jour, peut-être... évidemment, c'est une chanson genre super vulgaire, mais c'est parlé avec un genre de filtre.

that's waiting for bone. So maybe if the sky turns blue, we could fly as if the day was just for me and you. If you're alone, use the phone, then we'll give it a try. The coast is clear, I need to hear you say, tell me why. Whoa, why? Oh, tell me why. Even if I try, it's just the way it goes. This is just the way it goes. My mind is overrated. I'm good, but I'm jaded. And it's just the way it goes. It's the way it goes. Aujourd'hui, comme prévu, eh bien, je reçois la formation de Season. Salut les gars. Allô. Premièrement, ben moi, je vais faire comme si je connaissais pas beaucoup la formation, et c'est le cas, pareil. J'avais entendu votre nom quelques fois, et puis ça me fait plaisir de découvrir ça. Mais qu'est-ce que c'est de Season? Expliquez-nous d'où ça vient, premièrement, d'où ça partit, qui est-ce de Season? En fait, on est un band de la ville de Québec qui aspire à peut-être bien faire des chansons... pas pire. Ah, OK. Mais The Season, moi, j'ai écouté, ça me faisait... À première écoute, ça m'a fait penser aux Beatles, personnellement. Et puis, la première tune, Apple, ça m'a fait penser... parlez-nous de vos influences, justement. Ben, c'est sûr que les Beatles, c'était pas sur une mauvaise piste en parlant de ça, mais je pense que... mais je pense qu'en même temps, nous, notre influence, c'est... C'est sûr que cet album-là a vraiment une influence qui est très la musique pop des 60s des années 60, mais je pense qu'on on retient beaucoup les Beatles parce que c'est le groupe qui est resté, mais je pense qu'il y a... T'sais, nous, on est aussi beaucoup inspirés par les Hollies, The Zombies, tout ça un peu... Ou aussi beaucoup le côté plus folk, aussi Simon & Garfunkel, donc je pense que... C'est vraiment la musique sixties aussi beaucoup. Mais aussi avec beaucoup d'influence de musique beaucoup plus moderne comme, mettons, Beck ou puis des artistes qui sont plus contemporains, mettons, Beck ou Vampire Weekend. Mais comme je te dis, moi, à la première écoute, c'est ce qu'il m'a dit, Beatles, mais tu l'as dit, c'est à cause que c'est le Ben Ford qui a inspiré toutes les autres à peu près, ou presque. Ça a parti quand? Puis ça, qui a fondé le Ben? Comment ça a parti, la genèse de The Season? En fait, au début, c'est moi et Rémi qui ont surtout, disons, été les instigateurs de la chose, mais de très peu, là, dans le sens que au début, moi et Rémi, on s'est réunis un soir pour faire de la musique parce qu'on se connaissait un peu, même pas tant que ça. Et puis, Hubert était là, donc s'est joint à nous le soir même. On a eu bien du fun. On a amené Sam la semaine d'après. Okay. On était les quatre ensemble, puis on a décidé de former un groupe. Mais dans le fond, nous, on est le contraire un peu de l'espèce de story habituelle où est-ce que quatre amis qui se mettent ensemble pour faire de la musique. Nous, c'est plutôt le contraire. On est quatre personnes qui faisaient de la musique, puis on est devenus amis en faisant de la musique ensemble. Excellent. Et puis, ça fait combien de temps, ça? Ça va approcher 3 ans. Là. Donc, on est rendus des bons amis. Là. Quand je dis ça, il faut pas penser que je dis qu'on s'aime pas. Au contraire, on est élevés ensemble quasiment depuis 3 ans. Donc, on est des frères. Vous êtes pas un Ben composé là, par une maison de disques. Mais c'est Simon, comment il s'appelle, Simon Cowell, là, celui qui a fait One Direction. C'est pas encore dit, mais ça va sortir bientôt quand One Direction va arrêter. On est préparé, là, on est cuisiné par lui, puis il va nous préparer ou montrer au monde entier. On est des clones ingénérés en laboratoire pour avoir tout ce qu'il faut. C'est exactement ce que je pensais. Oui, merci de confirmer ce que je pensais. Pour l'instant, des radios étudiantes, je pense. Avant d'aller à Oprah. Ouf. J'ai vu, vous aviez un EP. Ouais. Production, moi j'aime bien la production, justement. Vas-y, oui. T'as... Non, non, je faisais signe à okay. Mon, quelqu'un d'autre, pas à toi. Toi, tu peux continuer. Non, mais comment se passe la prod? Est-ce que vous aimez le studio? Est-ce que vous... comment se passe la prod? J'aime ça, entendre parler de... Ben, la... Ouais, en fait, on adore ça en studio, puis c'est rare qu'on a des questions là-dessus. On a comment partir de la chanson, puis comment... Ouais. Ça devient ça. En fait, ouais, on adore ça. En fait, c'est quelque chose... C'est une partie de la création, en même temps. Puis quand on est en studio, on aime vraiment ça aussi, se challenger avec des... Essayer des sonorités. Puis je pense de pas se limiter à ce qui serait convenu. On aurait pu faire un album aussi qui était plus les quatre ensemble, jouer live. Mais on a décidé vraiment d'essayer de pousser, d'inviter des musiciens, dans le sens il n'y a pas énormément d'invités, mais dans le sens que dans Amy Downtown, il y a de la flûte africaine, on a fait venir un Africain pour venir pour vraiment essayer de détendre notre palette de couleurs. Puis je pense qu'on va continuer de faire ça aussi même avec le deuxième, puis toutes les créations. En fait, dès le début, on n'avait pas le goût d'être classé dans un créneau, parce que nous-mêmes, on aime beaucoup de choses différentes, puis on savait qu'on allait continuer d'évoluer. Donc, on a comme essayé de viser à être éclectique. Je crois qu'on a assez bien réussi. Il y a plusieurs sonorités. Il y a certainement un fil conducteur en nos chansons, puis tout au long de l'album ou du EP, mais je crois qu'on se promène d'un style à gauche puis à droite, puis on adore ce que ça fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent qu'on pourrait aller un peu dans n'importe quelle direction. Justement, par rapport à quand vous avez travaillé, avez-vous monté ça chez vous? Êtes-vous allé en studio? Êtes-vous allé... comment ça fonctionne, justement, la prod, là? Ben, on est allé, en fait, en studio avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane Rancourt. C'est un réalisateur à Québec. Okay. Puis lui, un studio à Québec. Puis c'est pas le plus gros des studios. En fait, on était le premier groupe à enregistrer. C'était un peu... improvisé, mais il y avait du très bon équipement. Ouais, ça sonne très bien, l'album. Ah, merci. Ça sonne très chaud, justement. Ah, non, et puis, fort. Vous avez le son quand même assez, assez proche, justement, comme tu dis, des années 60, ouais, la pop 60. Ouais. Mais comme tantôt, je disais Beatles, mais un peu moins électrique. C'est le côté folk. Parce qu'en fait, on n'est pas des rockers. On a un côté qu'on a... En fait, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les chansons, puis c'est Simon & Garfunkel, puis tous les artistes Mamas & Papas, qui ne sont pas des artistes nécessairement électriques. Ouais, c'était folk. Ouais. Ça, c'est du folk. Tu sais, il y a aussi, pour le, tu parles du son de notre album, il y a un gros travail dans la façon dont on a travaillé dans la façon dont on a développé les chansons, en fait, où est-ce qu'on n'essayait pas de... On s'appuyait pas sur le fait que ça allait pouvoir être retravaillé par après en studio, okay, avec des logiciels, tout ça. On essayait d'aller vraiment avec des bonnes prises de son, des instruments intéressants. On étudiait beaucoup quelle guitare on allait prendre. On passait des fois comme 2 heures avant une chanson pour essayer des combinaisons de guitares acoustiques. Puis, c'est comme ça, je crois, qu'on a réussi à avoir le ton qu'on a en ce moment avec notre album. Ben, c'est bien réussi. Et puis sinon, présentez-vous. Peux-tu présenter le band? C'est qui? Ouais, ça vous dérange pas? En fait, il y a Samuel à la basse, il y a Rémi au drum, il y a Hubert au vocal et à la guitare, et il y a moi au vocal et à la guitare aussi. Je joue un peu de piano aussi sur l'album. Excellent. Ah, mettons, tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres une fille, un gars, puis tu veux lui parler, c'est quoi que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu vends de ces hommes? Comment moi je me vends? Ben, comment toi tu te vends aussi, puis comment tu vends ton band? Je dis simplement que c'est ça, c'est comment je vends mon band. Je dis... en fait, je vends pas beaucoup le band. On n'est pas très vendeur. Souvent, je parle à du monde qui me dit ce que je fais. Je dis pas nécessairement c'est quoi mon band. Ouais. On va y aller surtout... En fait, on l'était au début. C'est ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on... Ouais, on l'était comme plus au début, mais on dirait que maintenant, je sais pas, c'est quand même... Mais c'est drôle, parce que des fois, on croise le monde dans un party, puis mettons, il y a une fille qui te parle, puis ah ouais, là, je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je joue de la musique, puis mettons, le monde, c'est souvent, le monde fait, ah ouais, tu joues un peu de guitare, puis je fais comme moi. mais parce qu'en même temps, on est rendu avec, c'est plus pareil, on n'a plus besoin de faire tout seul la promotion. Donc ça fait que je dis, tu revois ça. Puis là, après ça, ça fait que aussi, tu sais, peut-être qu'elle va pas aimer ça pendant toute la personne. Ouais. Fait que ça l'oblige pas à me donner un commentaire. Non, ça peut en donner un. T'sais, ça peut faire que si elle aime pas ça, ben elle m'en parle plus, puis je comprends le message. Si elle aime ça, elle vient me le dire. Et puis, pour je me venir me le dire non plus, là, elle fait ce qu'elle veut dans le bout de ligne. Moi, je vais pas y dire quoi faire. La vérité, c'est qu'on prend tout pour acquis maintenant. On est des enfants. On est des trop gros. On est des enfants gâtés. Non, c'est pas vrai, on voit pas que vous êtes les plus humbles du monde, genre. Ah non. Non, mais c'est parfait. Sinon, si on s'en va à côté, tantôt, t'as parlé un peu d'influence, mais qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que vous écoutez à chaque jour dans votre iPhone, iPod, etc.? On n'a pas de téléphone, puis pas de. On n'a pas d'iPhone, mais. Mais je pense que. Je vais parler pour le band en général, là, de ce temps-ci. On trippe. Je voudrais que de ce temps-ci, en général, quand on travaille les chansons, puis si je peux parler un peu des nouvelles chansons, on essaie vraiment. Il y a vraiment une touche plus. On écoute beaucoup de musique plus africaine, peut-être plus world un peu. Fait que peut-être pour l'instant, on trippe un peu dans cette vague-là. Mais en général, je pense qu'on écoute aussi la musique qu'on est. T'sais, on se fait classifier, t'sais, on écoute aussi beaucoup de musique sixties ou même de la musique aussi, juste la musique qui est plus vieille. On veut pas sonner le bonhomme, là, mais. Je pense qu'on aime. À un moment donné aussi, tu viens à apprécier juste le bon songwriting puis le bon travail artistique, peu importe le style. C'est sûr que tu as des préférences. Je prétends pas être capable d'écouter tout. Là. Oh, je trouve ça un peu prétentieux, ceux qui disent j'écoute de tout, parce que c'est pas vrai, parce que des fois, j'entends quelque chose qui est bon, mais que moi, j'écoute ça puis je suis pas capable. Je suis pas capable, tu sais. On a le droit d'haïr des affaires. En fait, on est tous un peu des haters là, sur certains domaines. Mais non, c'est ça. Si à un moment donné, tu viens à être capable d'aimer une toune, même si t'aimes pas. Je suis capable de dire que. Puis Hubert, l'autre jour, il me montre une toune, il me dit écoute ça, c'est une toune de R&B de Justin Timberlake, puis waouh, c'est vraiment bien produit, bon, ça là, marche, ouais. C'est super bon, tu sais. Mais c'est plus dans le sens, tu sais, mettons, si tu veux, je sais pas, donner l'idée à quelqu'un, hey, écoute ça, qu'est-ce que tu vas conseiller à des gens quand tu les rencontres côté musique? Suggestion. Ouais, exact. Ouais, puis ça n'a pas besoin, ça peut être récent, mais. Ça se promène souvent, tu sais, comme des fois, tu es sur une vibe, là, tu peux être, mettons, un matin, je sais pas, tu es sur une vague de Darwin Days, puis quelqu'un dit, hey, c'est quoi une bonne tune? Tu vas dire, hey, écoute ça, c'est malade, mais c'est juste parce que tu es comme un peu sur le high d'écouter cette tune-là en ce moment. Okay. Donc, ça peut vraiment varier, mais je dirais que de ce sens. Dernièrement, c'est beaucoup une espèce Bowie, de. Bowie, là. De ce sens-ci, on écoute beaucoup de David Bowie. Non, on pourrait faire une genre de suggestion, là, tu sais, en tant que band. The Seasons, c'est sûr, c'est un vieil album, mais qui est connu aussi, mais si les gens qui l'ont jamais entendu. Écoutez Hunky Dory de David Bowie, vous manquez quelque chose si vous connaissez pas ça. Tout l'album au complet. Tantôt, tu parlais, Hubert, de nouvelles chansons. Quels sont les projets à venir, justement, pour The Season? Ben, c'est sûr que c'est encore en construction. Puis, je veux dire, on écrit, puis, mais en fait, c'est en construction, mais quand même, dans le prochain spectacle qu'on va faire, il y a quand même 6-7 nouvelles chansons. Fait que il y a quand même beaucoup de nouveaux. Vendredi, le show à Sainte-Geneviève de Batiscan qu'on va faire. Puis ça va comme être le premier spectacle. En fait, c'est comme une espèce de. Parce qu'après ça aussi, on va faire une série de 3 spectacles. On va faire le Corona, l'Impérial, puis la Saguenayenne à Chicoutimi. Ça s'appelle Les Nuits Pulpeuses. C'est un spectacle qu'on va faire. Puis. Mais en fait, on va faire exactement le même spectacle à Sainte-Geneviève de Batiscan. Fait que s'il y en a qui veulent venir. Puis il va y avoir des nouvelles chansons aussi. Puis j'ai remarqué que vous étiez sold out à l'Impérial. C'est une bonne chose, ça. Vous avez un fanbase assez intéressant à Québec. C'est vraiment surprenant. C'est quasiment sold out. Puis on n'avait même pas encore commencé à faire de la promotion. Alors, on tient à remercier énormément les gens de Québec, d'un. Et puis, ceux qui ont manqué leur chance à Québec ou à Trois-Rivières, il y a encore des billets. Il reste encore des billets à Montréal la veille, donc le 20 novembre, au Corona. Ceux qui veulent faire un road trip et puis descendre à Montréal, on va vous faire de la place. Yes. Et là, la question qui tue, hein, ça, c'est sûr que vous en attendez sûrement. Pourquoi en anglais? Mais je sais, je peux comprendre la réponse, mais je veux entendre ce que vous allez dire. Mais ça fait longtemps, en plus, qu'on s'est fait poser, fait que ça va faire du bien, ça va décoincer. En fait, pourquoi en anglais? C'est simplement parce que quand on a commencé à faire de la musique, moi puis Bar, on a commencé à écrire des chansons, ça fait quelques années quand même de ça, on va avoir 15-16 ans autour de ça, et puis on se posait. Tu te poses pas vraiment la question, tout le côté. Bon, on s'entend qu'il y a un côté politique là, par rapport à la langue. On va s'entendre là-dessus. Quand on dit on s'en mêle pas, on s'en mêle pas, on est mêlé à ça. Pareil, mais quand on a commencé, nous, on n'était pas au courant de ça. On savait pas les subventions, ces affaires-là. On s'est juste dit, qu'est-ce que ça nous tente de faire? Ça nous tente de faire de la musique. Ça sortait en anglais. On a continué. C'est la musique que vous écoutiez sûrement aussi. C'est certainement à cause du fait qu'on écoutait beaucoup d'anglais. Certainement à cause du fait que. Ça existe, on va pas se le cacher, là. Mm-hmm. Ça existe des bands qui chantent en anglais. Ben, y en a de plus en plus, mais il y en a de plus en Québec, plus. Il y a des excellents bands qui le font. ABBA était pas anglophone, puis ils chantent en anglais. Il y a des bands comme Kings of Convenience. Il y en a plein. Il y a plein de bands dans le nord de l'Europe qui chantent en anglais. Exactement, il y en a leur langue. Oh, absolument, c'est chose courante maintenant. Donc, pour nous, étant jeune, c'était vraiment loin d'être spécial de faire ça. C'est plus tard, un coup, on a commencé à avancer, qu'on se rendu compte, on se faisait poser la question beaucoup. Mm-hmm. Ce qui est normal, là, c'est une question très pertinente. monde. Mm-hmm. Mais voilà, c'est juste qu'on continue à faire ce qu'on faisait à 16 ans, en fond. Parfait. Hey, merci beaucoup de Season. Et puis, on rappelle encore spectacle. Sainte-Geneviève de Batiscan, ce qui va être vendredi. Qui s'en vient. Parfait. Rappelle la date. C'est le 14 novembre. Et puis, avec quelle pièce on pourrait se quitter? Oui, mais dans le temps. Copernicus. On va être Copernicus. On va aller Copernicus. On va aller tout de suite écouter Copernicus avec The Season. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Merci, Daniel. Bonne continuation. Dear, I need to make you understand. It's black and white, each satellite is part of an expanding rubber band. And so, that's why it's turning in my mind. I think it's this, but then it's that. It's fine, I guess, it happens all the time. So the moon just rolls around the earth, yet they both just roll around the sun. You see, we're always part of something bigger than ourselves. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. On va comprendre les phrases importantes de la vie. Voici sa plus simple expression. Plus simple expression. Dans cette chronique, qu'est-ce que je fais, Mathieu? J'essaie de t'expliquer pourquoi on dit ces affaires-là. Puis moi, je fais mon possible pour pas comprendre. Ah. T'es très bon là-dedans. Merci. Petite thématique cette semaine. Je suis allée avec les chiffres, le temps. Ah, OK. Donc, ces affaires-là. C'est tout ce qui est vraiment, tu sais, quand même concret, je dirais. tu sais. Les mathématiques, c'est concret, dans le sens que c'est vraiment... Ça change pas vraiment. C'est ça. Non. Les affaires qui sont... Effectivement, 2 plus 2, ça va toujours donner 4. Pas mal toujours, c'est ça. Oui, même dans un univers parallèle, j'imagine. Donc, on commence sans plus attendre avec la première Sans plus attendre, sans plus tarder, sans plus attarder, finalement. Non. Hein? Parce que tu hésitais entre sans plus attendre et sans plus tarder, fait que je fais non. Sans plus attarder. Non, non j'ai pas... Qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête. OK. Okay. Se mettre sur son 31. Ben, se mettre. On sait tous ce que ça veut dire, se mettre. Hein? Sur son 31, évidemment, mais là, on parle d'une grandeur de monnaie, j'imagine. Donc, du 34DD, ben, là, tu peux avoir du 31, j'imagine, A ou B ou C. Donc, se mettre sur son 31. C'est du... Ben non. C'est du cross quand c'est... Mais non, se mettre sur son 31, c'est dans le fond, c'est se mettre, comme tu disais. Mais au lieu d'être sur le 69, c'est le 31, c'est une autre position. Ah! En fait, tu dois te placer en ballon et l'autre est fait le bacon. Okay. Non, en fait, se mettre sur son 31, c'est mettre ses plus beaux habits, tout simplement. Donc, l'origine de cette expression reste quand même mystérieuse, mais il y a plusieurs interprétations. Donc, depuis une déformation du mot « trentin », OK, qui désignait un tissu de qualité supérieure. J'ai 31! Ouais, tu dis pas ça de même en général. Donc, oui, ça désignait un tissu de qualité supérieure, mais les dates d'usage du mot et la date qui est, ben, en fait, le mot qui est apparu au 15e siècle et la date d'apparition de l'expression qui est au 19e siècle, ça concorde pas vraiment. Donc, en passant aussi par un numéro oublié d'un uniforme militaire de cérémonie ou une réduction inexpliquée de 36, parce qu'au Québec, on va dire se mettre sur son 36. Eh bien, c'est en fait, cette expression-là date d'avant se mettre sur son 31. Se mettre sur son 36, ça serait 4 fois 9, entre guillemets. Donc, forcément, très beau parce que c'est très, très, très neuf. Ah, 4 fois 9, comme c'est 9 à NUF. Oui, dans ce sens-là. Wow! Ben, okay. C'est la même chose que NUF pour le chiffre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé. Ben, juste pour préciser là, pour les gens à la maison en alphabet. Le 9 NUF, pas le 9 NUF. Non, c'est ça. Je pourrais pas se mêler, là. Sinon, ça va aussi jusqu'au jeu de cartes où le fait d'atteindre le chiffre 31 était ce qu'il y avait de plus beau. Ah. OK, donc il y a vraiment plein d'hypothèses, mais on sait pas exactement laquelle. Ça reste encore mystérieux. Mm-hmm. Ensuite, joindre les deux bouts. Les deux bouts, ben, ça, évidemment, ça rapporte une relation LGBT. Donc, gay, lesbienne, transgenre et autres. C'est une relation où on joint les deux bouts de la même forme pour avoir du plaisir en couple ou plus. Encore une fois, on ne juge pas les relations polygames. Non, bien entendu. On n'est pas du genre à juger ça. Ben, voyons. En fait, joindre les deux bouts, ça sent pas généralement négativement. Donc, avoir du mal à joindre les deux bouts. Avec la connotation financière initiale, ça signifie avoir du mal à faire tenir les besoins dans le budget disponible ou à tenir jusqu'au début du mois suivant avec le salaire qu'on vient juste de toucher. Utiliser plus généralement signifie aussi avoir du mal à faire face à une accumulation importante de tâches. Ah. Donc, c'est une métaphore ancienne de la soudure, entre guillemets, entre la récolte d'une année, dont le produit devait durer suffisamment pour tenir jusqu'à la récolte suivante de l'année d'après. Donc, à la fin du 18e siècle, selon le dictionnaire de l'Académie, un homme qui subsistait difficilement avait du mal à joindre les deux bouts de l'année. Ben oui! À cause de la récolte. Intéressant. Ensuite, une autre paire de manches. Ben, une autre paire de manches, ça c'est... évidemment, on parle d'une paire de seins. Je pense que ça n'a pas le choix. On parle d'une paire de seins. De manches. Manches étant évidemment un surnom qu'on donne des fois à l'engin masculin. Donc, une autre paire de manches, c'est que tu amènes les seins verts. Ouais. Une branlette espagnole. Je sais pas trop où ça s'en va. Cette, Donc, c'est quelque chose... En fait, une branlette espagnole, c'est exactement ça. Bon, tu sais, tu l'as entendu. J'ai juste de réaliser ce que ça voulait dire. Parce que, étant donné que je l'ai pas dit fort, ça a pris du temps à se rendre, jusqu'à toi. C'est les ondes radio, je pense, hein? FM. C'est ça. Notre émetteur a été modifié cette semaine. Donc, une autre paire de manches, c'est quelque chose de complètement différent, une toute autre affaire, généralement plus difficile ou plus compliquée. Donc, il n'existe malheureusement aucune certitude quant à l'origine de cette expression qui a été attestée au 16e siècle. Les seules choses que l'on sait, c'est qu'au Moyen Âge, les manches des vêtements des gens de la haute société n'étaient pas cousues de manière définitive et qu'on pouvait donc changer facilement et partiellement de tenue en changeant simplement sa paire de manches. Mmh. On sait aussi que beaucoup plus tard, au moment de l'apparition de l'expression, il a existé des demi-manches, donc une partie basse de la manche en lustrine, servant à protéger les manches elles-mêmes et aisément interchangeables. Il y a une explication qui dit qu'au cours des tournois aussi, les chevaliers portaient les couleurs de leur dulcinée sous la forme d'une de leurs manches fixées à la lance ou au bouclier. Donc, les manches seraient ensuite devenues des symboles que les amoureux s'échangeaient en gage de fidélité amoureuse. Voilà. Donc, une autre paire de manches aurait donc d'abord évoqué un nouvel amour ou une infidélité. Donc, toute autre origine, toute autre signification de l'expression. Mais si l'histoire précédente semble réelle, le lien avec l'expression est loin d'être certain, car elle est incontestablement présentée comme familière, voire vulgaire, au 18e siècle. Donc, il est assez peu probable qu'elle ait eu un lien quelconque avec les choses galantes chez les nobles, sauf si le contexte de son utilisation a largement évolué entre le 16e et le 18e siècle. On indique d'ailleurs qu'il n'existe aucune attestation de cette hypothèse et que cette interprétation semble être le fruit de l'imagination anecdotique des commentateurs du 19e siècle, ces derniers étant réputés pour avoir inventé de toutes pièces un nombre d'explications étymologiques, bien entendu. RDS à l'époque, là, faisait exactement tout le temps ça. Mais c'est tellement une belle histoire qu'on veut y croire. Ouais. Ensuite, prochaine expression, un de ces quatre. Un de ces quatre, c'est quand tu as à choisir entre deux filles, donc tu as le droit à un de ces quatre saint. Encore? Non, attends un peu, j'essaie de ramener ça au sein à chaque bon, fois. Bon, mais je vais continuer. Un de ces quatre, ça signifie un de ces jours, bientôt. On va trouver ça à la fin. Ouais, c'est ça. Quatre est un nombre souvent utilisé dans les expressions sans qu'on en connaisse vraiment la raison. Donc, certains évoquent le fait que l'homme normalement constitué a quatre membres, ou bien qu'il y a quatre saisons. Vous l'avez dit, ça avait rapport avec les pénis, finalement, c'est ça l'affaire. Hein? Ah, tu parles pas de ce membre-là. Hein? Non. On n'a pas quatre membres. Non. Non, ça serait bien, par contre, mais un peu beaucoup de travail. Ouais. Ou bien qu'il y a quatre saisons, quatre points cardinaux, donc le 4 revient souvent, semble un chiffre logique. Mais en usage dans de nombreuses locutions, ce chiffre est en fait très imprécis, parce qu'il peut s'agir d'une quantité faible, donc ça vaut 4 sous, c'est à 4 pas, ou plus importante, lui dire ses quatre vérités, se mettre en quatre, couper les cheveux en quatre. Donc, elle peut aussi évoquer des choses autres, donc entre quatre planches, alors qu'il en faut minimum 6 pour faire un cercueil, tirer à quatre épingles aux quatre coins du monde. Donc, il n'y a aucun lien, en fait, avec une grande ou une petite quantité. Ici, l'expression est un raccourci, OK, ou une ellipse de un de ces quatre matins. Ah! Donc, au sens de un de ces quelques matins qui vont venir, elle désigne bien une quantité faible et une durée courte, mais qui reste indéterminée. Ce qui explique son imprécision et son équivalence avec « bientôt ». Ah, donc ça n'a rien à voir avec la semaine des 4 jeudis, parce que ça aurait pu être un de ces 4 matins des 4 jeudis. Non, on avait appris au Véronictionnaire, jadis, que ça avait commencé hein, la semaine des 2 jeudis, la semaine des 3 ouais. jeudis, la semaine des 4 jeudis. Et bientôt, j'espère qu'on va passer à la semaine des 5 jeudis. Dans notre vivant, j'espère. Mais j'imagine qu'on va plafonner à 7, c'est mon hypothèse. On peut pas avoir... Ben, en fait, il pourrait en avoir tout un long de mois, puis après ça, tout un long d'année, les jeudis, non? Donc, le mois des 4 jeudis. Il y en a ça. Déjà 4. Le mois des 8 jeudis. T'as raison. Fait que souvent, on sauterait le mois des 4 jeudis puis le mois des 5 jeudis parce qu'il y en a souvent des fois 4 ou 5, j'imagine. Fait qu'on pourrait commencer, on pourrait sauter à 6 jeudis. Ouais, mais le mois des 6 jeudis, c'est déjà moins impressionnant que la semaine des 4 jeudis. T'as parce que si t'as 4 semaines des 4 jeudis, ça fait 8 jeudis environ dans un mois. Faut pas mettre un comité là-dessus. Non, c'est pas vrai. 4 jeudis, ça fait 4, ça fait 16. J'ai fait x 2. Mm-hmm. Je suis poche en maths. Sans moquer, ficher, foutre, comme de l'an 40. Comme de l'an 40. Comme de l'an 40. Ben, en fait, l'an, c'est comme LNT, comme quelqu'un de l'an. 40, comme du WD-40. Là, donc, c'est l'an 40, c'est quelqu'un qui est là parce qu'il a sniffé du WD-40. Aïe, je sais pas comment t'en es venu à ça. Je pense que c'est ça. Mais ça veut dire sans moquer, sans désintéresser complètement, tout simplement. Donc, l'origine de cette expression est pas connue, mais bien entendu, on a plein d'hypothèses. Ça nous empêche pas de dire des niaiseries quand on sait pas, là. Ben non, hein? C'est ça. Donc, si elle est bien attestée à la fin du 18e siècle, les lexicographes modernes ne sont pas d'accord sur son histoire. Donc, on va exposer les différentes hypothèses, hein, les plus fréquentes. Donc, certains invoquent l'an 1040... Okay, que les gens de l'époque auraient supposé être celui de la fin du monde. Parce qu'étant l'an 1000, auquel on ajoute la durée de vie du Christ, 40 ans, mais le doute est permis, hein, parce que moi, on m'a toujours dit que le Christ avait été crucifié à 33 ans, donc ça fonctionne ça même pas. Ça fonctionne pas. Puis, y a-t-il un bug de l'an 1000? Je sais pas. Ben, qu'est-ce qui aurait bugué? Les chevaux? Les insectes, j'imagine. Donc, cette expression, en fait, ne serait apparue que 7 siècles plus tard. Donc, est-ce qu'on aurait vraiment voulu se moquer des gens qui ont eu peur pour rien de cette époque, 7 siècles plus tard? Peut-être. Je sais pas. Ensuite, selon Littré, il s'agirait d'une raillerie par les royalistes que de l'an 40 de la République, année jamais atteinte par le calendrier républicain, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi le chiffre 40 a été retenu alors que ce calendrier a une durée de vie bien plus courte, donc plus ou moins logique. Ensuite, il pourrait également s'agir d'une plaisanterie sur l'âge qu'aurait eu Louis XVI quelques jours après avoir un peu perdu la tête hein, grâce à l'invention de M. Guillotin. Mm-hmm. Ah oui, oui, Guillotin. Sinon, il viendrait peut-être, enfin, de la déformation d'une expression très populaire du 18e siècle, y compris bien avant la Révolution, sans moquer comme de l'Alcoran. L'Alcoran. Ce dernier désignant le Coran à cette époque. La Bible... De la musulmanie. C'est ça, musulmanie. Musulmania, la nouvelle réalité avec TV. Donc, on a le linguiste Alain Ray qui la rejette, faute de preuves, mais Claude Duneton, toujours autre linguiste, la défend, celle-ci. Elle existait en effet, juste avant la Révolution, un très populaire roman d'anticipation de Louis-Sébastien Mercier intitulé « L'an 2440, rêve s'il en fut jamais ». Dans lequel un monde idyllique était décrit. Donc, cette société pleine de bonté, de sagesse et d'égalité, d'un futur très lointain, aurait provoqué les sarcasmes des sans-culottes supposés à mener eux-mêmes une vie bien meilleure que celle sous la royauté. Et ce serait le mélange de l'indifférence portée à cet an 40, très éloigné, et de celle portée à l'Alcoran, qui aurait transformé l'expression originale. Donc, tout plein d'hypothèses. Ensuite, remettre les pendules à l'heure. remettre les pendules. Je sais pas, attends, j'ai rien qui me vient sur ça là. Il y en a un par chronique qui me vient rien pendant. C'est bon, plate. Mais c'est pas grave. Tout, mais juste sur lui tout le temps d'habitude. Mais tout, c'est juste ça. En fait, remettre les pendules à l'heure, c'est se mettre d'accord sur une base de discussion en général pour pouvoir avancer, aller plus loin, mais aussi rétablir la vérité. Donc, tout le monde a en mémoire ces films de guerre ou d'espionnage où un groupe de personnes hein, vont ajuster leur montre à la même heure avant de se disperser pour attaquer et s'introduire quelque part. Donc, cette expression, dans son premier sens, est simplement une métaphore sur cette synchronisation de l'heure entre des personnes devant agir en concordance. Le deuxième sens, lui, est une extension de la première signification. Elle vient d'une personne seule, soit un journaliste ou un auteur, par exemple, qui, voulant entraîner le lecteur dans sa direction, va asséner une vérité qui servira de point de départ à la suite de l'écrit, donc pour mettre tout le monde au même niveau, si on veut, avant de poursuivre le texte. Non, moi, je dirais que c'est ceux qui aiment avoir des relations sexuelles, mais sur un métronome, donc tu te remets à tout le temps une pendule à l'heure. T'aurais pu ne pas en donner aussi. Remettre la pendule à l'heure. Ah, t'aurais pu ne pas en donner aussi. Je préfère ne pas laisser de blanc. Mettre les bouchées doubles. Ben oui, mais là, tu vas pas me faire parler de lichage. Non. Non, c'est aller plus vite, accélérer une action, précipiter l'accomplissement de quelque chose. Boucher d'eau. Donc, au départ, au départ, il y a la bouchée, OK, quantité d'aliments qu'on met en une seule fois dans la bouche. Et aussi, le mot qui vient de bouchi vers 1120, OK. Donc, si pour une raison quelconque, on veut manger rapidement ce qu'on a dans son assiette, il ne faut pas hésiter à doubler, voire tripler la taille de la bouchée. Si on veut manger plus rapidement, bien entendu. Et dans les compétitions de consommation de hot dog ou de cervelle de veau ou de boule de riz, oui, ça existe aussi. Ils font même plus que mettre les bouchées quintuples. Donc, par extension et parce qu'on n'a pas forcément besoin d'accélérer que la mise en bouche, mettre les bouchées doubles est devenu synonyme d'aller plus vite, accélérer le mouvement, tout simplement. Encore. Ensuite, chercher midi à 14h. Ben ça... Et on a tendance à dire en passant chercher de midi à 14h, ouais. Mais c'est chercher midi à 14h. Donc, c'est le midi qu'on cherche à 14h. C'est différent. Ouais. On a déformé ça, je te dirais peut-être, au Québec. Mais ça mène quand même vers un nooner, qu'on appelle en anglais, ou ça, c'est une relation dans le placard à papier, dans un bureau. Donc, quand tu cherches midi à 14h, c'est que tu es en train de te faire vraiment une longue session de nooning. En français, je ne sais pas comment on traduirait ça, un nooning. Du nounage. Du nounage, hein? Oui, c'est ça, exactement. Là, ça n'a plus rapport avec midi, par exemple. Mais bon. Donc, chercher midi à 14h, c'est compliqué inutilement une chose très simple. Hein? Donc, sous sa forme actuelle, cette expression date du 17e siècle, mais on a utilisé auparavant chercher midi à 11h et chercher midi si loin. Donc, si l'utilisation de midi est compréhensible par sa position très repérable en milieu de journée, il n'y a pas d'explication satisfaisante pour justifier le 14 ou le 11 auparavant. Le 14 est plus loin, mais tu sais, vu qu'il était à 11h, il aurait pu reculer à 10h à place. T'sais. ils sont partis dans l'après-midi, mais voyons. Ben, ça dépend là, de quel bord tu tournes. Ouais, il a peut-être tourné de l'autre bord. Girouette. Donc, le sens de l'expression qui montre la bêtise de vouloir chercher une chose à un endroit où elle ne peut pas être. Donc, à rapprocher du « va voir là-bas si j'y suis », a évolué de manière compréhensible vers celui d'aujourd'hui. J'imagine que 14h, c'était plus loin. Ils ont simplement avancé et c'est rendu là. Eh ben, mais nous, à C'est fou, on se rappelle qu'on cherche 11h à 13h, qui est le dîner de con avec Danny Janvier. Et finalement, avoir un nom à coucher dehors. Parlant de Danny Janvier, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Il couche pas dehors. C'est le mois de janvier, il fait frette. On va l'héberger, on va lui faire manger de la dinde. On va l'abrier. On va l'abrier, exactement. On va y allumer un petit feu. Un joli feu. Donc, avoir un nom à coucher dehors, c'est avoir un nom très difficile à prononcer. Ah, c'est pas donc bizarre. Et à retenir. Ah, OK. Ben, d'habitude, quand c'est bizarre, souvent, ça va être un nom difficile à prononcer ou à retenir. Ça arrive souvent. Ouais. Donc, aujourd'hui, que vous vous appeliez Andrzej Krasnodębski Gawa ou Hildegard von Gaschnewa, on vous accepte à l'hôtel sans aucune difficulté. Aucune. On vous appelle Monsieur X. Mais autrefois, au Moyen-Âge, et bien après, les aubergistes étaient d'un naturel extrêmement méfiant. Donc, une fois la nuit tombée, pour se faire admettre dans une auberge, il fallait montrer patte blanche, c'est-à-dire d'abord énoncer son patronyme. Et celui qui n'avait pas un nom très chrétien avait de fortes chances de se voir éconduire et de devoir passer son chemin ou coucher à l'écurie. Donc ensuite, une fois admis, la tenue vestimentaire et la noblesse du nom avaient leur importance pour l'affectation des plus belles ou plus inconfortables chambres, soit dit en passant. Donc, quand on sait que les auberges étaient nettement moins répandues que les hôtels ou motels aujourd'hui et qu'il y avait de très faibles probabilités de pouvoir se faire prendre en stop pour tenter de se faire accepter au suivant, mais celui ayant un nom à coucher dehors avait intérêt à avoir de quoi bien se couvrir pour passer la nuit parce qu'il pouvait pas dormir à l'auberge. Ben oui. Voilà. Ah, ça, c'est bien. J'aime ça. Je vais retenir celle-là. Ouais. Voilà. Ah! C'est tout. On est au courant, on est renseigné sur la langue française grâce à Stéphanie Paradis, sa plus simple expression, qu'on fait dans une case habituelle le mardi à 9h. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Eh bien oui, chers auditeurs, habituez-vous à cette petite musique qu'on entend derrière parce que c'est la gang du temps d'une pinte qui sont venus nous voir, nos heureux commanditaires. Je vais les présenter, mais je vais les laisser aussi se présenter. Je reçois Alex et Gustavo du temps d'une pinte. Salut, messieurs. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Pas eu trop de difficultés à trouver le studio? Non, ah, c'est vrai, je t'avais montré quoi, ouais. C'est vrai. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « OK, c'est compliqué ». Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est une belle nouvelle collaboration avec le temps d'une pinte. Qu'est-ce qui va se passer les jeudis, Alex? Ben, dans le fond, l'idée était simple, c'était de faire des topos sur la bière, où qu'on va parler un petit peu de culture de la bière, de l'histoire, des différents styles, des brasseries au Québec. Qu'est-ce qui se brasse au Québec? Qu'est-ce qui se passe en Mauricie? Puis moi, je vais être là toutes les semaines, puis je vais inviter des personnalités du monde de la bière. Cette semaine, c'est Gustavo qui est notre brasseur au temps d'une pinte, brasseur et propriétaire, avec moi, Laurent Lagagnère et Alain Rivard. Et puis, cette semaine, on a décidé de vous parler en partant des bières fortes, les Winter Warmer, que disent les anglophones. C'est des bières qui réchauffent l'hiver. C'est le temps, là. On est dedans. Puis on commence avec ça. C'est un truc qu'on exploite un petit peu au temps d'une pinte. On en fait des bières fortes. On fait de toutes sortes aussi. On fait des petites sessionnelles qui seront le sujet d'une autre chronique. Mais on commence avec ceux-là parce qu'on trouvait que c'était approprié avec les petits froids qui commencent. Génial. J'ai débouché ma bière, là, puis ça, il m'a monté des flavours dans le nez. J'étais heureux. Salut, Gustavo. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Yes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Alex? Toi, tu t'es fait une petite présentation. Gustavo. OK. Je suis Gustavo Nevarez. Oui.

Mm-hmm. Pour une question de simplicité. En règle générale, si un diamant est imposant, il est d'autant plus rare et son prix ne sera que plus élevé. Jusqu'à présent, le plus gros diamant brut jamais trouvé demeure le Cullinan, découvert en 1905 dans une mine à Pretoria. Donc, jusqu'en 1907, on a utilisé l'autre. Ça veut dire que le plus gros a été découvert avant ça. Donc, découvert en 1905 près d'une mine de Pretoria en Afrique du Sud. Avant d'être taillé, celui-ci pesait 3106 carats, soit 621,2 grammes. Ça commence à être de la garnotte, comme on dit. Non, mais quand même, assez particulier. Pourquoi la première position dans une course est-elle appelée... Pourquoi la première place est-elle appelée pole position? Eh bien, dans une course automobile, notamment en Grand Prix de Formule 1, le pilote qui figure à la première place sur la grille de départ occupe toujours la pole position. Né à la fin du 19e siècle, ce terme d'origine anglaise est issu du vocabulaire du sport épique, donc en cheval. En effet, lors d'une course de chevaux, le jockey favori partait au niveau de la corde, c'est-à-dire le plus à l'intérieur de l'anneau. Cette place, souvent déterminée par une séance de qualification, est privilégiée car elle permet de courir quelques centimètres de moins que ses adversaires. Elle offre donc un léger avantage jusqu'au poteau, qui s'appelle « pole » en anglais, l'endroit où se juge l'arrivée de la course. Le terme « pole position » a ensuite été utilisé sur les circuits, l'univers naissant de la course automobiliste, de la course automobile, pardon, s'inspirant à l'époque beaucoup des courses de chevaux, et c'est très normal, qui étaient très populaires. À ce jour, l'Allemand Michael Schumacher demeure le pilote le plus abonné au pole position, avec 68 réalisations, et on lui souhaite un prompt rétablissement, parce que ça va pas bien, tant que ça, on n'en entend plus beaucoup parler de M. Schumacher. Ici non plus, ça va pas très bien. Ces deux enfants-là, ça va pas très bien, je vous le dis. Vous allez voir, c'est assez hallucinant, même je dirais ahurissant. On va aller écouter voir qu'est-ce qu'ils en disent. Je vous explique, c'est, ça a été filmé vendredi. Est-ce qu'on... Ouais, les gamins, c'est ici. Vite. Plus vite que ça. Là, les enfants arrivent avec deux AK-47. C'est des gars d'à peu près 10 ans. T'es qui, toi? Moi? Ouais. C'est Fala. Toi, t'es qui? Je suis France. Moi, je suis Aboubarou. T'es qui, toi? C'est Fallah. C'est Fallah. Tu viens d'où? De France. De France? Ouais, mais d'où France? Strasbourg, c'est 7, représente. Ah, non, Allah. Wesh, tout Strasbourg, il est ici ou quoi? Bah, moi, je suis Toulouse, de la Rennerie. Subhanallah, Toulouse et Strasbourg, vous êtes tous ici. Ça représente 6-7, mon vieux, ici. Ouais, hein. Ça et toi, tu représentes Mohamed Nera. Ouais, je le représente. Allahu Akbar. Wesh, quoi de neuf? Donne un petit message pour ceux qui sont en France. Comme ça, je la mets sur Facebook, cette vidéo. Ça te dérange si je la mets sur Facebook? Non. Vas-y, je vais la mettre sur Facebook. Dis un message pour ceux qui sont en France. Bon. Déjà, vaut mieux venir ici, car là où vous êtes, vous n'avez pas de chance. Pourquoi? Parce que, là-bas, vous êtes dans un pays de kufr. Ouais. Ici, on est des moudjahides, on est en Syrie. Ouais. On est à Raqqa ici, c'est la guerre ici. Ouais. C'est pas les petits bébés qui font la renoi quand ses parents. Oh, moi je veux ça, oh, moi je veux ça. Viens si tu vas voir comment ça se passe. T'appelles là. C'est méchant frère. Faut leur dire de venir gentiment mon frère, parce que sinon, oh viens frère. Ouais, viens, c'est là. Alors vous voyez, hein, ouais, c'est méchant, hein. Assez particulier, deux enfants d'environ 10 ans. Avec des AK-47 et l'homme pose des questions et il a pas l'air à être contre ce qu'il pense là, mais peu importe, ça c'est pas important. Mais l'enfant qui dit vous êtes bien mieux là-bas qu'ici, vous êtes bien mieux ici que là-bas, vaut mieux venir ici car vous n'avez pas de chance ici, on est des moudjahidines. Quand même, hein, c'est une vidéo assez bizarre d'enfants qui parlent d'un français parfait et affirment vivre à Raqqa, en Syrie. La question du djihadiste, d'où venez-vous? L'un va répondre à Strasbourg, de Strasbourg et l'autre de Toulouse en faisant directement allusion à Mohamed Merah. Alors, assez particulier. Même le djihadiste, qui est sûrement quelqu'un qui en a vu d'autres, là. Même lui trouve l'enfant assez rough, t'sais, imaginez. En tout cas, faites-vous votre idée, c'était simplement ça, mais c'est comme assez choc, moi, je vous dirais. Toujours dans les nouvelles chocs du dîner de cons, eh bien, un ancien obèse dévoile ses séquelles. Il s'appelle Jean-Claude... Jean-Claude, C'est vraiment ça. Il pesait plus de 160 kilos avant de perdre 72 kilos en 7 mois. Il a alors retrouvé un corps musclé, mais a gardé les séquelles de son obésité. Se sentant mal à l'aise et mal dans sa peau, cet ancien obèse a repris le pouvoir sur son corps en mangeant sainement et en faisant beaucoup d'exercices grâce à détermination. Jean-Claude a pu retrouver un corps d'apparence normale, mais sous ses vêtements, le jeune homme va vous dévoiler à quoi ressemble réellement son corps. Et vous irez voir, parce que c'est assez particulier, tu sais, du haut du corps, c'est parfait, c'est bien beau. Ses bras sont parfaits, tout est beau. Mais quand il se met en bédaine, eh bien, il a beau avoir des pectoraux. Pour vrai, il y a vraiment des pectoraux. Tu sais, il y a un corps parfait, mais il y a vraiment un amas de chair immense qui pendouille de partout. C'est assez troublant, mais c'est ça. C'est les séquelles d'un mode de vie qui était peut-être pas le meilleur. Et peut-être qu'il a perdu aussi beaucoup trop rapidement son poids. C'est assez frappant. Vous irez voir ça, les images. Tu sais, comme ses jambes sont super musclées, mais entre ses cuisses, il y a une quantité de peau molle assez... on pourrait dire assez dégoûtante. Là. Vous irez voir ça, c'est assez... Wow! En tout cas, allez vous faire votre idée. C'est comme ça. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas peser 400 livres, puis maigrir, puis qu'il n'y ait aucune séquelle. C'est assez compréhensible. Toujours ici, assez choc. Un homme teste la résistance d'un pare-brise blindé depuis l'intérieur. Pour prouver l'efficacité de ces vitres blindées, la société Texas Hammering Corporation a fait appel à son directeur général, Trent Kimball, qui assure avoir une totale confiance en ses produits. Afin de le démontrer, l'homme s'est livré à une petite expérience pendant qu'il était confortablement installé à bord de son SUV Mercedes-Benz. Un employé s'est amusé à tirer plusieurs balles dans le pare-brise du véhicule à l'aide de son AK-47. Hein? J'espère qu'il avait confiance en son produit, parce que sinon, il se serait placé en situation pour le moins assez dangereuse. Il est 11h55. Tiens, on va aller parler de celle-là ici. Le fondateur de l'Église mormone qui aurait eu entre 30 et 40 femmes. Donc, à Washington, Joseph Smith, fondateur au 19e siècle aux États-Unis de l'Église mormone, une religion connue pour sa polygamie, ensuite abandonnée, a eu lui-même entre 30 et 40 femmes, dont une qui avait 14 ans. C'est ce qu'a révélé pour la première fois cette église. Considéré comme le prophète de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le LDS, moi j'aime mieux LSD, mais bon, nom officiel de l'Église mormone, Joseph Smith aurait ainsi scellé, selon le mot mormon, des unions pas toujours consommées avec des femmes parfois déjà mariées et même une fille de 14 ans. Lui-même réticent, il aurait été à 3 reprises en juin par un ange de procéder à ces mariages pluriels, rejetés ensuite par l'Église officielle en 1890. Selon le New York Times, qui consacre mardi une analyse de ces révélations, la première fois que l'Église mormone reconnaît et détaille les multiples mariages de son prophète, jusque-là présenté comme le mari fidèle de son épouse Emma. Selon Eric Hawkin, porte-parole de l'Église, la pratique de la polygamie par Joseph Smith était connue des plus érudits, mais contestée au sein même de l'Église. À l'heure d'Internet, où l'information vient de bonnes comme de mauvaises source, il était important pour nous de faire des recherches et de fournir une information officielle historiquement exacte sur notre histoire et notre doctrine, a indiqué M. Hawkins. C'est pour cela que les responsables de l'Église ont entamé il y a un an la publication d'essais sur des sujets polémiques comme « Les mormons sont-ils chrétiens » ou l'interdiction jusqu'en 1978 à un noir d'être prêtre de l'Église mormone, dit-il. Un autre en est en préparation sur la prêtrise des femmes. Le LDS affirme rassembler 6 millions de personnes aux États-Unis. Les saints, comme ils se dénomment eux-mêmes, soit 2 % de la population, 8 millions de mormons sont alors répartis dans le reste du monde. Le LDS est également connu pour ses missions et son expertise en généalogie développée pour des raisons religieuses. En 1820, Joseph Smith, à 14 ans, affirme avoir vu Dieu et Jésus-Christ lui confier la tâche de restaurer l'Église des origines avec l'aide du Livre des Mormons. Ça, c'est drôle, hein? Persécutés, les Mormons se sont réfugiés dans l'Utah, où Salt Lake City est leur capitale, et vivent aujourd'hui surtout dans l'ouest des États-Unis. John Smith lui-même a été tué par une foule en colère alors qu'il était en prison et dans le même temps candidat à la présidence des États-Unis. Hein? C'est assez reluisant, ça. Hein? John Smith, tué par une foule en colère. Je pense que c'est une bonne chose que la foule tue John Smith. Et dans le même temps, candidat à la présidence aux États-Unis. Particulier.